messieurs parmi vous. Et le reste du corps, évidemment. Bien sûr qu'il n'y a pas à attendre. Et là, on est dans un cadre qui est absolument magnifique. Prenez quand même ce temps-là pour faire ce qu'on a. Cette chance qu'on s'offre de vivre cet événement aujourd'hui. On aurait pu faire ce choix-là. Maintenant, il faut l'assumer, les gars. Qui est bon pour vous, qui à mon sens évidemment le bon. Vous avez fait ce choix d'aller vers quelque chose. Ça. Ça va, ça va. allez comment? Ça va? Enfin, jusque là. Jean-Paul. Oh non, non, faut être moins. Alors on arrive, voilà, tout le monde. Ah! voir combien de temps il reste. Yeah.